Sortie culturelle. Sortie culturelle, à l'inauguration de Lumière sur l'art, un projet rendu possible grâce au Musée national des beaux-arts du Québec, à la Commission de la capitale nationale, l'Office du tourisme de Québec et la Ville de Québec. Bonjour et bienvenue dans Sortie culturelle à l'inauguration de Lumière sur l'art, parcours lumineux que vous connaissez forcément dans le quartier Montcalm. C'est assez emblématique depuis plusieurs années, ces fameux lampadaires, mélange entre art public et installation artistique qui illumine le quartier pendant toute une année. Hein. Ça part évidemment de l'hiver, on s'y croirait évidemment aujourd'hui, mais de l'automne jusqu'à l'automne prochain. On va tout vous dire sur ce parcours. C'est Jessica Leb avec vous jusqu'à 17h30 pour cette émission toute spéciale. Si vous voulez savoir où est-ce qu'on est caché sur l'avenue Cartier, on est dans le Taille Zone au 10-19 avenue Cartier. Vous pouvez venir nous voir, rencontrer les invités également. Je vous donne un petit avant-goût de l'émission aujourd'hui. On mettra en lumière donc ce parcours, mais aussi les commerces du quartier Montcalm. On recevra Jean-Pierre Bétard, directeur général de la SDC. Également Kim Colonna, copropriétaire du restaurant Corse Petit Creux et Grand Cru, situé sur l'avenue Cartier. Il est également le président du conseil d'administration de la SDC Montcalm. On recevra également, et on pouvait pas passer à côté, le Machin Club, les enfants du Machin Club que vous entendez sur les ondes de CKRL chaque dimanche à 19h. Ils ont leur quartier général ici dans Montcalm et ils vont venir nous parler de tous leurs projets en lien avec le quartier, des courts-métrages qu'ils ont tournés ici, certainement qui nous donneront déjà leur impression sur Lumière sur l'art, puisque je rappelle que les œuvres sont déjà installées sur l'avenue Cartier. L'illumination, ça aura lieu ce soir dès 18h. On aura également un avant-goût de la symphonie du jeu vidéo qui a lieu ce soir au Grand Théâtre de Québec. On est encore dans Montcalm et on recevra l'animatrice Stéphanie Harvey pour nous en parler. Un autre restaurateur, Andreas Papadeas du Mezze et Mediterravino, qui sera avec nous. Et puis, on va commencer l'émission en bonne et due forme avec l'artiste qui a imaginé cette installation sur l'avenue Cartier. Elle s'appelle Manon Depau. Elle est artiste multidisciplinaire. Bonjour Manon. Bonjour. Également avec toi, Maud Lévesque, conservatrice de la CPOA et de l'engagement public, direction des collections et de la recherche du Musée national des beaux-arts du Québec. C'est un très grand titre. Bonjour Maud. Bonjour. On va voir justement comment le Musée national des beaux-arts du Québec et le quartier Montcalm et Manon Depau, l'artiste, ont travaillé conjointement pour cette installation. Peut-être Maud, faire une petite rétrospective sur qu'est-ce que c'est Lumière sur l'art. Mais en fait, c'est un projet collaboratif entre la SDC Montcalm et le musée. On est toujours en travail avec eux pour renouveler le parcours, essayer d'étonner, parce que c'est vraiment, on est animé par ce désir-là de surprendre et d'étonner les passants sur la rue Cartier. Donc, on a commencé en 2015 avec Fernand Leduc et Alfred Pélan pour un parcours qui a duré jusqu'en une année, en fait. Une année complète, là. Oui, une année complète. Ensuite, on a présenté les œuvres de Rita Letendre et de Jean Curtubise. Et dernièrement, c'était Pierre Ayotte. Donc, toujours des œuvres qui étaient dans la collection du musée. Et cette année, on s'est demandé comment on pouvait renouveler le parcours, encore une fois, pour étonner les gens. Et on a posé un autre regard sur la collection. Donc, c'était plutôt de trouver un artiste qui pourrait nous proposer un parcours sur mesure. Et le travail de Manon, de part, c'est vraiment imposé, je dirais. Est-ce que c'est vous qui avez fait appel à elle ou est-ce qu'il y a eu un appel de candidature? Comment ça a fonctionné? On a directement communiqué avec Manon de part, oui. Pour quelle raison? Parce que son travail en photographie, puis un travail avec la lumière aussi, c'était vraiment approprié pour les 34 abat-jour, que c'est en fait des immenses boîtes lumineuses. Donc, ça allait vraiment de pair avec le travail de Manon. Alors Manon, comment on réagit pour un tel projet? Toi, tu vis à Montréal. Est-ce que tu connaissais l'avenue Cartier déjà? Absolument, oui. J'étais venue plusieurs fois. Je connaissais très bien le projet. Donc, quand j'ai été approchée par le musée, c'est certain que je pouvais tout de suite visualiser mon travail sur le support qui est cette forme de lampadaire. Et j'étais très excitée, en fait, par le projet. Je savais que ça allait être beaucoup de boulot. Mais en si peu de temps, on va le voir. mais avec le temps, on apprend à être efficace aussi. Oui. Et je peux dire que j'ai pu réutiliser certains motifs que l'on connaît déjà de mon travail et refotographier, mais en adaptant cette matière-là pour le format spécifique circulaire des abat-jour. Donc, ça a été vraiment un très, très beau défi qu'on m'a lancé. J'étais très excitée de relever ce défi-là. L'abat-jour qui vit en plein air, qui traverse les saisons aussi et le temps, vraiment 24 heures sur 24. Là, les résidents, les travailleurs de Montcalm peuvent déjà voir les abat-jours depuis jeudi, vendredi dernier avec l'installation. Mais ce soir, ça va être la première fois que les abat-jours vont s'illuminer sur l'avenue Cartier. De travailler comme ça avec justement la vie du quartier, est-ce que ça influence justement ce qu'on va présenter en extérieur, Manon? Oui, c'est pas mon premier projet en art public. Par contre, c'est la première fois où j'arrive dans une structure qui est déjà, si je peux dire, préétablie. Mm-hmm. Donc, ça a été quand même assez facile pour moi de visualiser les œuvres et d'observer comment les passants interagissaient aussi avec les structures, d'élaborer un parcours qui est sur quoi plus qu'un kilomètre, en fait. Donc, c'est vraiment une installation qui se déploie dans la durée, dans la distance et... ça a été vraiment comme, en fait, assez stimulant. J'ai passé tout l'été à faire de la prise de vue pour ça, mais toujours en gardant en tête le point de vue des passants, le point de vue des automobilistes, des commerçants. Ah oui. Puis en voulant aussi que les images se révèlent, mais au détour d'un parcours, et pas tout d'un seul coup. Donc, si on change de côté de trottoir, il va y avoir une partie de l'image qui va se révéler à nous. Donc, c'était ça le défi aussi, de donner de construire des images qui avaient un certain pouvoir évocateur, mais qui ne se donnaient pas tout de suite en un seul regard. Donc, on part de la photographie pour ces œuvres? Oui. Toutes les images ont été réalisées sur la surface d'une table lumineuse ou d'une boîte lumineuse. Donc, ce sont des matériaux que j'ai photographiés à une assez petite échelle. On voit souvent ma main dans l'image aussi. Donc, c'est la main de l'artiste qui est en train de construire l'image. J'aime à dire que je pense avec les mains. Puis, c'est des matériaux qui ont pour moi une attirance au niveau de la couleur, de la transparence. Comme je travaille beaucoup avec les acétates, puis quand on superpose deux acétates, bien, il y a une nouvelle couleur qui est créée. Donc, il y a toute cette idée-là. Puis, j'ai joué beaucoup aussi avec le positif et le négatif. Comme les lampadaires sont disposés en paires, j'ai intégré cette notion-là en créant des duos, puis en jouant avec la structure de cette dualité. Mm-hmm. Et ça donne lieu à des abat-jours très colorés. Alors, ça dépend, évidemment. Hein. On a des ambiances différentes à chaque pas, finalement, qu'on fait. Effectivement, on redécouvre le parcours à chaque fois qu'on avance sur l'avenue Cartier. Moi, j'aime beaucoup celui avec les plumes. Ils sont de toutes les couleurs aussi. Ça, c'est peut-être mon côté enfantin qui est éveillé à ce moment-là. Mais ça aussi, éveiller les enfants à l'art. Je ne sais pas si Maud, Musée national des beaux-arts du Québec ou avec la SDC, on a des commentaires des résidents, des gens qui se promènent dans le quartier. On n'a pas encore reçu de commentaires, mais c'est certain qu'on va avoir des commentaires dans les prochains jours. Mais c'est sûr qu'on traite ces projets-là comme on traite l'art public, c'est-à-dire qu'on veut que ce soit inclusif, on veut que les... faut pas que ce soit des projets qui soient trop envahissants. Puis nous, on arrive au musée en proposant des projets, en proposant des artistes, mais c'est vraiment les commerçants qui ont le dernier mot. Donc, avec la SDC, on travaille avec eux. D'ailleurs, Manon est allée présenter le projet, puis elle les a vraiment séduits rapidement avec son travail. Mais ça, c'est une autre difficulté. Des commerçants qui sont là depuis des années et des années, qui, oui, observent l'évolution du quartier, mais ils veulent pas non plus dénaturer ce que c'est déjà. Donc, comment ça s'est passé, la présentation à la SDC, Manon? Parce que c'était une maquette au tout début. En fait, ce que j'ai présenté à la SDC, c'était quand même assez en début de parcours. Donc, c'était des maquettes préliminaires. C'était des esquisses, mais qui ressemblaient quand même beaucoup à ce qui allait être présenté au final. Et l'idée, c'était de présenter... en fait, quand on fait un pitch comme ça, il faut présenter des exemples concrets, mais aussi dans quel esprit on travaille. Donc, moi, j'ai parlé de mon intérêt pour la lumière comme matière et comme axe de recherche dans mon travail, et également de justement ce travail d'échelle et de couleur qui pour moi est important, tout le travail d'équilibre de l'image. Donc il y a vraiment un soin qui est apporté dans la composition, mais comme vous dites, c'est également très accessible. Par exemple, en général, les enfants aiment beaucoup mon travail pour ça. J'ai inclus des billes et toutes sortes de trucs assez ludiques, et j'ai voulu inclure beaucoup de mouvements. Donc, je pense que c'est peut-être ça qu'ils ont trouvé intéressant. Et moi, j'adore rencontrer des gens qui ne sont pas dans le milieu de l'art et avoir un dialogue avec eux. Lors de mon dernier voyage à Québec, j'ai eu une discussion avec un chauffeur de taxi sur l'usage des lampadaires. Donc, j'aime beaucoup sortir de ma zone de confort puis être en contact avec des gens qui sont pas nécessairement du milieu de l'art. Je trouve que pour un artiste, c'est extrêmement enrichissant. Et l'idée que ça se démocratise aussi, là, on voit de l'art sans même s'en rendre compte, même s'il y a un effet « waouh » la première fois. Moi, j'ai le souvenir de la première fois que j'ai vu l'avenue Cartier avec ses abat-jours. J'ai été très impressionnée et je me suis dit « waouh, c'est ambitieux comme projet, mais ça rend tellement bien, ça donne tellement une belle identité au quartier. » Et la nuit, alors, quelle forme ça prend? Bon, là, avec les couleurs, franchement, j'imagine que c'est encore plus beau. Mais Manon, comment on travaille avec la nuit, finalement? En fait, quand j'ai créé les maquettes, j'ai pris soin d'imprimer sur une surface qui était rétroéclairée. Donc, j'ai pu faire le test de jour, de nuit, éclairé, pas éclairé. J'ai vraiment couvert tout le terrain pour m'assurer que, justement, que les couleurs, par exemple, aient autant de punch le jour que la nuit. C'est sûr qu'il y a des détails qui vont se révéler davantage quand les images vont être rétroéclairées. Ça, j'ai bien hâte de le voir ce soir. Mon plus grand souci, puis je pense que c'est un des plus grands défis du projet, c'est que les images ne perdent pas d'intérêt la nuit, le jour, quand elles ne sont pas rétroéclairées avec la lumière du jour, par temps gris. Donc, il a vraiment fallu que je teste avec différentes grandeurs de maquettes ce genre de situation de lumière. Oui, parce que la grandeur réelle, j'imagine, on la voit seulement le jour J ou... Absolument. Oui, c'était pas possible pour moi d'imprimer une maquette à l'échelle réelle, mais on a quand même fait plusieurs tests. Et puis, on a travaillé avec Monolino, un imprimeur de Québec, ici, avec qui le musée a l'habitude de collaborer. Puis, c'était vraiment très fluide comme façon de travailler. Il était très ouvert. Et puis, quand j'avais des commentaires à faire, il faisait des ajustements. Donc, ça a été très rassurant aussi de travailler avec quelqu'un avec une entreprise qui est déjà habituée au projet, qui connaissait la manière dont les différentes textures et couleurs allaient réagir sur le support spécifique des lampadaires. Maude, ce soir, c'est l'inauguration officielle de Lumière sur l'art, donc édition 2018-2019, parce que comme on l'a dit, cette installation va vraiment durer toute l'année, même l'été, hein. Là, on l'observe dans ce contexte, mais elle va traverser les saisons aussi. Qu'est-ce qui va se passer ce soir? C'est vraiment l'illumination qu'on veut marquer à 18h? C'est vraiment l'illumination. Évidemment, bon, il y aura une prise de parole de la part des partenaires, mais on a tous hâte de voir le parcours illuminé. C'est sûr. Et j'ai hâte de voir les petits détails dont nous parlait Manon de Pau, là, que, effectivement, pour l'instant, on n'imagine pas. On se dit, dis donc, il y a déjà plein de choses, j'adore. Qu'est-ce que ça va donner la nuit? Il faudra être là ce soir à 18h. C'est gratuit, bien sûr. Il faut venir sur l'avenue Cartier. Merci beaucoup à toutes les deux. Manon de Pau, artiste multidisciplinaire qui a réalisé cette nouvelle édition du parcours Lumière sur l'art, et Maude Lévesque du Musée national des beaux-arts du Québec. Merci. Belle inauguration ce soir. Dans quelques instants, on parlera avec des commerçants de Montcalm aussi, Andreas Papadeas, qui est tout juste déménagé ici à Montcalm alors qu'il était plutôt du côté du quartier Petit Champlain avec son restaurant grec Le Médée. Ça sera juste après un résident du quartier qui chante aussi. Il a grandi très longtemps ici, vécu très longtemps ici surtout. C'est Claude Bégin, voici Bleu Nuit. Toi ici, j'aime que tu penses fort à moi. Tu sais qu'on passera toute la nuit, tous les deux à déjouer l'ennui. Je laisserai mon téléphone sur moi. Tan lejos estás mi cerdito. Solo con leerte estás en mi cama.

On vient d'entendre Alpha Rococo avec Lumière à CKRL 89.1 et je remercie mon metteur en ondes Mikey G parce que je viens de réaliser le lien entre Lumière et le thème de l'émission parce que vous êtes dans Sortie culturelle à l'inauguration de Lumière sur l'art. Merci Mikey, très bon clin d'œil. On continue la découverte de ce parcours lumineux. On était avec Manon Depaou, l'artiste multidisciplinaire qui a réalisé ses abat-jours pour le parcours. Je vous rappelle, inauguration ce soir, 18h, c'est gratuit. Ils vont s'illuminer sous vos yeux, ce qui n'est pas arrivé depuis l'installation la semaine dernière. On avait très envie aussi d'avoir le point de vue, le témoignage des commerçants qui sont autour de cette belle avenue Cartier. On va parler avec un commerçant qui s'est installé plus récemment ici sur l'avenue Cartier. C'est Andreas Papadeas avec son restaurant grec, le Mezzé, et aussi un bar à vin, le Mediterravino. Bonjour Andreas. Bonjour Jessica, ça va bien? Oui, ça va, merci. On accueille aussi Patrick Atsipantelis de l'agence Criticos qui ce soir donne un événement pour vous faire découvrir des vins crétois d'ailleurs. Bonjour. Bonjour, merci Jessica. Alors on va commencer avec Andreas. Ça fait quoi, un an maintenant que tu es installé dans le quartier Montagne? Un an et demi, ouais. Déjà. Ça va vite. Tu arrivais du quartier Petit Champlain où le restaurant Mezzé existait déjà. Exact. Mais après 5 ans, on s'est rendu compte que la clientèle était surtout locale plutôt que touristique. Donc, le déménagement vers le quartier le plus populeux de la Haute-Ville de Québec nous semblait logique afin de nous rapprocher de notre clientèle qui était principalement la clientèle de la Haute-Ville et tranquillement de la Basse-Ville qui se développe aussi tranquillement. Mais on s'est rendu compte que c'était surtout des gens de la Haute-Ville, du quartier Saint-Sacrement, Montcalm, qui venaient nous rendre visite en bas, en dehors des périodes touristiques, bien sûr. Et en plus, vous avez aussi un espace épicerie fine où les gens peuvent acheter leur huile d'olive, leur fromage grec, le yogourt également, et repartir avec à la maison. Donc, il y a le côté épicerie de quartier aussi, de proximité. Exactement, avec des produits plus spécialisés un peu qu'on retrouve dans les épiceries, des trucs aussi qu'on sert beaucoup dans notre cuisine, que les gens peuvent rapporter à la maison. Donc, qui peuvent retrouver les saveurs qu'ils retrouvent au Mezzé. Et puis, une petite section prête à manger pour les gens qui sont pressés, qui n'ont pas le temps de venir nous voir. Qui veulent manger sur le pouce, au bureau, ou voilà, que ça leur tente pas de cuisiner. On a aussi une section prête à manger. Andreas, alors, comment se passe l'accueil dans le quartier? Parce que oui, tu savais que ta clientèle était ici, en Haute-Ville, mais une fois qu'on est dans le quartier de sa clientèle, qu'est-ce que ça change? Ben, en fait, on a été surpris de l'accueil qu'on a eu parce que on savait que la base de la clientèle était là, mais ce succès continue, cette fréquentation continue. On voit des gens revenir plusieurs fois par semaine, ce qui est très impressionnant. Surtout en restauration. Ce qu'on voyait pas avant dans le quartier en bas, dans le petit Champlain. On est vraiment devenu un resto de quartier que les gens fréquentent autant le midi que le soir en famille. Pour des gros événements, pour des petites bouffes rapides, on est vraiment rendu. On fait partie du quotidien des gens du quartier Montcalm. Et vous avez ouvert ensuite un bar à vin, donc à l'étage, parce que le restaurant Mezzé, c'est assez intime, hein, c'est quoi, 30-40 places? 40 places, oui. Et donc le bar vous permet d'avoir des plus gros groupes? On avait beaucoup de demandes, en fait, pour des parties privées, des 5 à 7 corpo. Les gens aiment beaucoup la formule des Mezzé, les petits plats partagés, les tapas, les bouchées, tout ça. Puis nous, on a un amour pour le vin aussi, beaucoup d'importations privées, donc très peu de vitrines pour ces vins-là. Donc le petit bar à vin nous a aidé à joindre l'utile à l'agréable en répondant à la demande des groupes et en même temps en nous laissant aller avec nos petites fantaisies au niveau du vin. Ça nous permet de commander toutes sortes de trucs, de présenter toutes sortes de trucs différents aux clients aussi, comme ce soir avec les vins de Patrick qui sont des exclusivités au Québec et des beaux produits du terroir grec. Qu'on va découvrir dans quelques instants. On va avoir un avant-goût de cette soirée, imaginez-vous, à la radio. Andreas, je précise qu'il y a aussi une terrasse l'été. Alors ça engrandit encore plus le Mezzé. Oui, absolument. Une belle terrasse l'été. Qui est avantagé par sa position au deuxième étage, donc qui n'est pas au niveau de la rue, donc très tranquille, et qui a un super point de vue sur les abat-jours qui sont installés comme on les a à hauteur des yeux. L'effet est complètement différent que quand on les regarde de dessous. En plus. Voilà. Donc, on en profitera l'été prochain. Absolument. Pour le moment, elle est ensevelie sous la neige, j'imagine. Et Andreas, d'être dans le quartier des arts, est-ce que c'est un cachet supplémentaire pour vous? En fait, le quartier des arts, c'est un quartier aussi de petites spécialités. Hein? On retrouve de plus en plus, on l'a vu avec l'ouverture de la récolte, ça se spécialise dans les petits établissements plus précis, plus typiques. Puis je pense que le Mezzé, fait bien partie de cette famille de commerces-là qui font plus attention aux détails, qui tiennent un produit plus précis, plus spécifique. Voilà, ouais, non, c'était le quartier idéal, en fait, pour le Mézé. Je suis contente de voir que vous continuez ces soirées de découverte de vins de la Méditerranée d'ailleurs, hein, parce que d'ailleurs, on retrouve des vins qui sortent de la Méditerranée aussi au Mézé, parce que moi, je vous avais découvert cet été. Patrick, tu avais déjà donné une soirée dégustation où on découvrait les vins crétois. Et les vins crétois qui sont très, très peu connus. Hein. Moi, pourtant, je suis européenne et j'avoue, je ne savais même pas qu'il y avait une production de vin là-bas, j'avoue. Parle-nous des vins que tu vas présenter ce soir, ça sera en formule 5 à 7. Oui, c'est une région qui s'est beaucoup développée dans les dernières années. Il y a une trentaine de vignobles dans la grande région des vins de la Crète. Je suis chanceux, j'en représente 6. Puis ce soir, on a une soirée un peu thématique avec Andrea. Il y a deux vignobles qu'on met en vedette, Manousakis et Dourakis. Ce sont deux vignobles de l'ouest de la Crète, donc près de Chania. Les gens disent souvent Chania, mais c'est Chania. Et ce qui est adorable de la formule avec le resto d'Andrea, c'est que c'est des mésés authentiques. Et la cuisine, elle est raffinée. Pour être grec d'origine, on est un petit peu difficile par rapport à la cuisine. Et puis moi, j'ai été complètement charmé la première fois que je suis arrivé là. Donc, on a combiné mésés à la spécialité, comme Andrea le fait, avec des vins qui sont typiquement crétois. Il y a plusieurs produits qui sont des cépages indigènes, donc des cépages qu'on trouve qu'en Crète. Et ce soir, on en a quelques-uns. On a un Romeico qui vient de Manousakis. C'est le premier vin blanc de noir. Les gens se demandent souvent c'est quoi un vin blanc de noir. Mais un vin blanc de noir, c'est un vin blanc, mais avec un raisin qui est rouge. Ah, et oui. Donc, c'est une spécialité. Ils ont expérimenté pendant 4 ans avant de relâcher le premier produit. Il y a 2400 bouteilles. Fait que ce soir, en exclusivité, on en fait déguster un certain nombre chez Andreas. C'est vraiment une dégustation aussi, on a la proximité avec toi Patrick, je t'explique justement, tu mets en contexte ces vins, on vient pas juste pour boire en cachette, on découvre aussi l'histoire derrière ces vins. Alors quels sont les vignobles, est-ce que tu peux nous parler un peu des vignobles choisis ce soir? Ben, Manousakis, c'est un vignoble qui est complètement à l'ouest de l'île, c'est des petites parcelles, c'est une culture un peu spécialisée, ils ont une douzaine de produits, moi j'en importe 6-7, des blancs et des rouges et même un rosé. Et celui de Dourakis, c'est un vignoble peut-être moins connu parce qu'il est entre Etimnon et Chania, en allant en direction de la Crète vers Sfakia, alors un endroit très connu sur l'île. Et puis, un mélange de cépages traditionnels internationaux, comme un Carignan qui est cultivé en Crète. Donc, ce soir, on a un rouge de ce vignoble-là, qui est un cépage qu'on ne retrouve pas beaucoup en Grèce, très peu. En fait, ouais. Andreas m'en parlait d'ailleurs la dernière fois, puis je lui ai parlé de ce produit-là, donc je l'ai importé. Puis, la réaction jusqu'ici est bonne, mais c'est un tout nouveau produit qui vient tout juste d'arriver. Donc, ce sont des produits, si on veut se les procurer, il faut absolument passer par une agence? Oui, ou en même temps, au resto, Andreas, on a quelques-uns en importation privée qui sont disponibles. Et ce pour soir, consommer? Les gens, pour consommer sur place. Et ce soir, on en offre aussi. Si les gens veulent en acheter à la caisse, c'est disponible. Ça fait partie de la formule. Et ensuite, ben, on a évidemment un contact régulier avec ces gens-là. Puis, ils peuvent commander à la caisse. Et c'est livré directement par l'entremise d'une succursale de la SAQ. Donc, c'est relativement facile. C'est moins connu comme processus, mais ça se fait bien. Oui, ça se fait très facilement. En fait, les gens qui seraient intéressés par la suite auront juste à revenir au restaurant, puis je les mettrai en contact avec Patrick pour tout ce qui est commande de vin et autres. C'est bien de mentionner aussi que les vins qui vont être là ce soir, c'est issu de l'agriculture biologique. Mm-hmm. Qui est très, très forte en Grèce. Les Grecs sont retournés beaucoup, beaucoup à l'essentiel de leur culture avant les grosses machines agricoles qui ont essayé de prendre le contrôle. Tranquillement, on voit les Grecs revenir à l'agriculture biologique. Puis ces deux domaines-là, c'est des bons exemples, des petits domaines familiaux. Si vous allez les visiter, ben, c'est directement avec la famille qui porte le nom de famille du vignoble avec qui vous allez jaser. 100% bio, beaucoup d'amour, beaucoup d'attention dans le produit. D'autres choses, complètement d'autres choses que les produits à gros volume qu'on nous offre souvent dans les succursales de la SAQ. Vous nous faites voyager, là, on a envie d'y aller, mais on va pouvoir faire le voyage à travers le vin, bien sûr. Juste, Patrick, est-ce que ce sont des vins, hein, c'est des produits exclusifs, on a bien compris, avec l'importation privée, est-ce que c'est des vins qui restent accessibles quand même pour s'acheter une bonne bouteille? Oui, j'en ai régulièrement en disponibilité, j'ai une vingtaine de produits disponibles sur le site, c'est kratikos.com. Là, Crête-Écosse, c'est assez simple, la crête, C-R-E-T-I-C-O-S. Alors, les gens vont sur le site, ils peuvent commander à la caisse. Et j'offre aussi pour certains clients, notamment pour la première fois, ça, on veut essayer de personnaliser un peu pour goûter à différents produits. Donc, j'offre cette possibilité-là de temps à autre de faire une caisse personnalisée. Mais c'est toujours à la caisse. Et puis, c'est une découverte, 20 produits, des cépages uniques. C'est un petit voyage, comme vous l'avez dit, en Crète en même temps. Donc, on commande à la caisse ce soir. C'est ça. Si vous voulez en profiter, et c'est le temps des fêtes, les parties de bureau, c'est l'occasion d'acheter à la caisse, justement, si on cherche une occasion pour pouvoir les consommer, ces bouteilles. Est-ce qu'il est encore temps de réserver des billets? On peut aller à la porte ce soir? On peut se présenter à la porte et voilà. C'est aussi simple que ça. Ouais, ben ouais, il y a toujours de la place. Plus on est de fous, plus on rit. Chez les Grecs, on est toujours bien accueillis. Voilà, chez les Grecs, c'est pas compliqué. Pas de billets, avec billets, on s'occupe de vous. 799 avenue Cartier pour le Méditerravino. C'est vraiment à l'étage du musée, si vous savez déjà où ça se trouve. C'est à l'étage, donc ça sera pas difficile à trouver. On pourra découvrir aussi des huiles d'olive. Évidemment, on peut pas parler de la Grèce et de la Crète sans l'huile d'olive. Il y a 35 millions d'oliviers en Crète. Oh là là. Alors, c'est difficile de pas trouver de l'huile d'olive. Mais merci beaucoup à mes invités. Je sais que vos premiers invités vont se presser déjà pour vous rejoindre. Donc, je remercie Andreas Papadeas, propriétaire du Mésée. Merci beaucoup. Merci. Également, Patrick Atsi-Pantelis de l'agence Créticos. On profite de ton passage à Québec ce soir pour déguster ces beaux vins crétois. Merci, Jessica. Dans quelques instants, on parle avec Jean-Pierre Bédard, directeur général de l'ASDC, dans la suite de Sorties culturelles à l'inauguration de Lumière sur l'art. Seems I don't know right from real, but I can see within my thoughts all their insides been coming out. A blue light over our heads, and every man's out of shame. I can feel naked thoughts ahead, and the cringest ones have left the crowd. And I was walking under that sky. I was looking at my friends. Beach Mood à CKRL 89. On vient d'entendre Lockwell. C'est aussi le nom d'un parc dans Montcalm. Alors écoutez, on aime ça, les clins d'œil en musique dans cette émission sortie culturelle à l'inauguration de Lumière sur l'art. Oui, vous savez, ces abat-jours qu'on retrouve sur l'avenue Cartier depuis plusieurs années maintenant. Eh bien, ce soir, c'est la nouvelle édition qu'on inaugure à 18h. Les abat-jours vont s'illuminer sur l'avenue Cartier et vous pourriez être les premiers à les voir si vous venez à 18h. Donc rendez-vous sur l'avenue Cartier. D'ici là, si vous voulez savoir où on se trouve, on est au 10-19 avenue Cartier dans le Thaï Zone. On s'est mis au chaud quand même pour cette émission. Je reçois maintenant Jean-Pierre Bédard, directeur de la SDC, directeur général de la SDC Montcalm Quartier des Arts. Bonjour. Bonjour Jessica. Alors la SDC, ça y est, c'est un projet qui se concrétise ce soir avec cette édition 2018-2019 de Lumière sur l'art. Comment la SDC s'implique dans un parcours aussi artistique? Ben, il faut voir, en fait, la genèse de tout ça, ça date en fait de 2012, le départ de tout ça. Et c'est une initiative que l'Office du tourisme avait voulu mettre de l'avant pour faire en sorte de désengorger un peu les quartiers touristiques habituels. L'idée était d'offrir la possibilité aux artères commerciales de mettre en place un projet d'illumination qui serait singulier et caractéristique de chacune de ces artères-là. Et il y avait donc mandaté une firme qui s'appelait Light Emotion, une firme de Montréal, c'est François Roupignan qui en est le maître d'œuvre d'une certaine façon, de présenter des propositions singulières pour chacune de ces artères-là qui seraient en concordance un peu avec la particularité de chacune de ces artères-là. Et donc, pour Cartier, bien évidemment, il y avait eu ce corollaire avec la présence du Musée national des beaux-arts et on s'était dit, pourquoi pas faire de larges abat-jours qui reprendraient des reproductions d'œuvres d'art et on pourrait donc faire en sorte de meubler la rue avec ce projet d'illumination. Alors ça, c'était comme un peu la genèse. Les choses ont évolué, se sont concrétisées en fait en 2014 où là, il y a eu vraiment un appel d'offres clair qui a été fait pour proposer donc la mise en place de ce projet d'abat-jour. Et c'est là où, à quelque part aussi, la collaboration avec le Musée national des beaux-arts s'est imposée de façon concrète pour aller puiser à l'intérieur de la collection du Musée national des beaux-arts pour prendre des œuvres, des reproductions d'œuvres qui pourraient donc meubler ces grands cylindres que sont les abat-jours qu'on dispose sur la rue Cartier depuis maintenant janvier 2015. Donc, la première édition a été inaugurée en janvier 2015. On est rendu donc à la quatrième cette fois-ci. C'est parti pour être une tradition, selon oui. moi. Oui, on l'espère bien. En fait, il faut dire qu'on a des ententes pour payer une partie de ces travaux-là. Qui finissent avec cette édition. Donc, on espère bien pouvoir négocier une reconduction avec nos partenaires financiers pour faire en sorte de pouvoir prolonger encore cet élément qui est unique et singulier, qui nous représente très, très bien notre quartier des arts, donc ces abat-jours monumentaux. Surtout que cette année, vous donnez la chance à une artiste québécoise de s'installer sur l'avenue Cartier avec des créations uniques et originales, oui, spécialement pour l'avenue. Donc, on voit que ça prend une avenue qui met en valeur la création d'aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Puis c'était important pour nous de pouvoir se renouveler puis d'arriver avec des propositions différentes d'année en année. Donc, on se rappelle, la première année, on avait donc des œuvres de Fernand Leduc et d'Alfred Pellan, qui étaient dans les monographies qui étaient présentées au Musée national des beaux-arts. La deuxième année, on est allé avec des artistes qui faisaient partie de l'exposition d'inauguration du pavillon La Sonde, qui était Jean-Cœur Tubize et Rita Letang, qui font partie de l'exposition de Ferron à BGL. Et l'année dernière, on est allé encore une fois avec un artiste qui faisait partie aussi de cette exposition-là, Pierre Ayotte, avec la particularité qu'on avait ajouté une expérience sonore à l'expérience visuelle. En collaboration avec l'OSQ, on avait donc pu mettre en place des boîtiers sonores qui déclenchaient avec un senseur et faisaient en sorte que quand les gens s'arrêtaient sous la structure, il y avait 7 boîtiers où il y avait une musique symphonique qui se déclenchait, qui était en lien avec l'œuvre d'art. Donc, c'était vraiment d'aller chercher encore une fois une particularité. Ouais. Cette année, bien évidemment, l'idée de travailler avec une artiste contemporaine qui a fait des œuvres sur mesure, bien, c'était encore une fois un élément supplémentaire qu'on souhaitait mettre de l'avant pour davantage de cohérence et faire en sorte de travailler mieux avec la particularité de ce format-là, qui est donc le cylindre et qui n'est pas nécessairement porté à supporter n'importe quelle œuvre. Mm-hmm. Quel est l'impact concret d'une œuvre comme celle-ci pour le quartier? Pardon? Quel est l'impact concret dans la vie de tous les jours de monsieur et madame tout le monde qui se promène ici? On peut se dire, bon, c'est beau, c'est de la décoration, mais est-ce qu'il y a un impact plus important avec Je pense qu'en fait, on essaye de faire un travail de médiation et de démocratisation de l'art aussi de cette façon-là. Au-delà de simplement un aspect ornemental, pour nous, on veut aller plus loin que ça et faire de ça une espèce d'engagement public pour mettre les œuvres d'art à la disposition de tous gratuitement et leur permettre donc de vivre cette expérience-là et peut-être les amener éventuellement après ça à fréquenter des institutions muséales ou des galeries d'art et faire en sorte de mieux apprécier les œuvres contemporaines. C'est sûr que c'est un avant-goût, surtout dans les années précédentes, de ce qu'on peut voir au Musée national des beaux-arts du Québec, par exemple. Mais qui sait, Manon de Pau sera peut-être exposée un jour. Elle aussi est une des artistes qui fait partie de l'exposition de Ferron à BGL, donc l'exposition permanente qui se trouve au deuxième étage du pavillon La Sonde. C'est bon de le repréciser. Oui. Jean-Pierre Bédard, on va te retrouver un peu plus tard aussi dans l'émission pour nous parler de d'autres aspects de Lumière sur l'art, parce que dans quelques instants, on va parler avec justement l'Orchestre symphonique de Québec qui propose un concert ce soir et demain soir, la symphonie du jeu vidéo. Merci beaucoup Jean-Pierre, directeur de la SDC. On fait une petite pause et on se retrouve dans quelques instants avec Stéphanie Harvey. Sortie culturelle. Le Quartier des Arts de Québec vous invite à découvrir le nouveau parcours Lumière sur l'art sur l'avenue Cartier et vous donne rendez-vous le jeudi 22 novembre à 18h pour l'inauguration officielle de cette 4e édition, créée sur mesure par l'artiste multidisciplinaire Manon de Pau. Parcourez un sentier lumineux unique dédié à l'art contemporain et appréciez les nouveaux abat-jours emblématiques du quartier Montcalm. Un projet rendu possible grâce au Musée national des beaux-arts du Québec, à la Commission de la capitale nationale, l'Office du tourisme de Québec et la Ville de Québec. Pour plus d'infos, visitez quartierartquebec.com. Ce vendredi au Lotomax, 60 millions plus 21 max millions. Donc, tout le monde doit rester, il faut qu'on finisse le rapport. Pourrait devenir, tout le monde doit pacter, faut qu'on file à l'aéroport. Jouer en groupe. Gamers et mélomanes sont invités à un concert hors norme de l'Orchestre symphonique de Québec, la Symphonie du jeu vidéo. Un spectacle interactif et multimédia qui rend hommage aux créateurs de jeux vidéo québécois avec projection sur grand écran en simultané. Un concert dont vous serez aussi le héros. Les jeudis et vendredis 22 et 23 novembre au Grand Théâtre de Québec. Hydro-Québec, partenaire de saison. Tous les vendredis, après la semaine du travail, écoutez CKRL pour une soirée toute musicale. Découvrez et redécouvrez des musiques de styles variés. Jazz, funk, blues et metal. Les vendredis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulézard.com. Dans un événement tout en musique, le guitariste Jean-Sébastien Gasnier et ses deux acolytes vous proposent Entends-tu, un spectacle interdisciplinaire mettant en scène la musique, le conte et la danse. Un dialogue entre tradition et modernité. Un spectacle où les thèmes du déni identitaire versus la reconnaissance du patrimoine vivant résonnent de sens. Mardi 27 novembre 19h30 au Théâtre de la Cité universitaire. Contribution volontaire suggérée de 10$. La météo vous est présentée par Rainfray Volkswagen Lévis qui célèbre ses 50 ans en grand avec des rabais exceptionnels. Véhicules neufs ou usagés, inspection, assistance routière, protection additionnelle, le programme de garantie d'Asvelt Auto. Venez nous rencontrer au 5355 boulevard Guillaume Couture à Lévis. Rainfray.vw.ca. Météo. Ce soir et cette nuit, ça sera partiellement nuageux avec du vent et des rafales à 40 km/h devenant légers ce soir. On nous annonce, attention, un minimum de moins 18 degrés. Demain, ça sera une journée généralement ensoleillée, ce qui peut peut-être nous rassurer. Du vent avec des rafales à 40 km/h le matin et un maximum de moins 9 degrés. Les températures seront à la hausse pour la fin de semaine. On va atteindre moins 4 samedi avec un grand soleil et la neige sera de retour ce dimanche. 1 degré et c'est bien une température positive que je vous annonce pour ce dimanche. Présentement, on nous indique que c'est généralement ensoleillé, mais j'ai du mal à le croire. Moins 12 degrés à Québec. Sortie culturelle. Sortie culturelle à l'inauguration de Lumière sur l'art, un projet rendu possible grâce au Musée national des beaux-arts du Québec, à la Commission de la capitale nationale, l'Office du tourisme de Québec et la Ville de Québec. De retour dans Sortie culturelle à l'inauguration de Lumière sur l'art. On attend avec impatience l'illumination des abat-jours sur l'avenue Cartier. Ça sera à 18h ce soir. Évidemment, c'est pas radiophonique. Là, il faut vous déplacer. Mais vous êtes dans cette émission jusqu'à 17h30. On vous présente les détails de ce parcours, la réaction des commerçants de Montcalm. Et puis, on met en lumière aussi les organismes du quartier. On ne peut pas passer à côté de l'Orchestre symphonique de Québec qui ce soir présentera la symphonie du jeu vidéo. Et c'est ce soir, mais c'est aussi demain soir. Il reste encore des bons billets si vous voulez redécouvrir la musique du jeu vidéo en symphonique avec l'orchestre et aussi avec une grande championne du monde de Counter-Strike, Stéphanie Harvey, qui sera aussi l'animatrice de ces deux concerts. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Et je dis juste championne parce que quand on lit ta biographie, il y a encore beaucoup de choses à dire. En fait, tu es joueuse de jeux vidéo professionnelle puisque maintenant tu es à temps plein pour l'équipe professionnelle Counter Logic Gaming. Exact. Mm-hmm. C'est incroyable. Quand tu as commencé à jouer aux jeux vidéo, est-ce que tu pensais un jour que tu en ferais ton métier? Non, absolument pas. Moi, mon but, ça a toujours été de devenir architecte. Donc, je suis très loin ce que je voulais être. Est-ce que tu avais commencé des études pour faire ça ou pas du tout? Oui, j'ai fini mon bac en architecture à l'Université Laval avant de bifurquer vers le design de jeux vidéo. Puis maintenant, je fais vraiment du jeu professionnel à temps plein. Comment est venue la passion du jeu vidéo? Est-ce qu'au départ, tu as commencé comme tout le monde, juste pour essayer? Oui. En fait, c'était vraiment un passe-temps. Je dirais anodin. Je faisais beaucoup de sport, beaucoup d'art et du jeu vidéo. Puis c'est vraiment plus tard, là, quand les compétitions de jeux vidéo ont commencé à être populaires, que moi, je me suis intéressée à ça. Mais ça fait quand même 15 ans déjà là, que je fais de la compétition, donc ça fait quand même un bon bout. Puis de fil en aiguille, là, avec les grosses compétitions, avec l'argent qui a commencé à rentrer, les commanditaires, j'ai pu de faire ça à temps plein. Et quelle a été la réaction de tes parents quand t'as dit pour la première fois, je veux faire une compétition de jeux vidéo? Écoute, ça fait tellement longtemps déjà. C'était des petites compétitions à Québec, dans la ville de Québec, donc c'était pas très risqué. Donc, mes parents sont venus aux compétitions voir que finalement, c'était pas du tout dangereux. Puis après ce moment-là, ils m'ont supporté. Donc, pas de réticence au départ à faire ça, c'est parce qu'on imagine. c'est drôle parce que je pense que tu donnes une toute autre image à cet univers des joueurs de jeux vidéo. On imagine toujours déjà des hommes enfermés dans des sous-sols à jouer jusqu'à pas d'heure. Tant mieux parce que, honnêtement, on est de plus en plus de femmes au Canada. On est même 50% de femmes qui jouent à des jeux vidéo. Donc, c'est bien de briser les stéréotypes. D'ailleurs, tout ton parcours t'a mené quand même à être nommée dans les 100 femmes de l'année de la BBC. Oui. Par Forbes, si je me trompe pas. Non, ça, c'est encore BBC. Une autre liste. C'est incroyable, Stéphanie. D'en venir à ce point-là, hein, quand je te demandais est-ce que tu imaginais un jour de faire du jeu vidéo ton métier, là, d'apparaître dans des listes des femmes de l'année, des personnalités de l'année, qu'est-ce que ça te fait? C'est très, très flatteur, mais en même temps, moi, dans le fond, je suis ma carrière, je fais ma vie, puis j'essaie de redonner, puis de faire une différence dans ma communauté. Puis ça donne que ma communauté a de plus en plus de visibilité, puis on veut faire changer les choses, on veut qu'il y ait de la diversité dans le jeu vidéo. On veut que le jeu vidéo soit accepté dans la communauté comme n'importe quel autre médium, que ce soit le cinéma, les arts. C'est pour ça aussi que ce soir-là, le concert de l'OSQ, ça va être très, très cool parce que c'est vraiment un mix de deux mondes là, qui se rencontrent. Qui se rencontrent et qui n'ont aucun lien avec les autres. Mais pourtant, sur papier, ils n'ont pas de lien. Mais pourtant, dans chacun des jeux, il y a souvent des orchestres qui font les musiques de jeux. Donc, ce soir, sur la scène là, du Grand Théâtre, ça va être l'occasion de le vivre en direct. Je vous garantis que vous allez avoir des frissons si vous êtes dans la salle. Mais surtout, si vous avez joué à ces jeux-là, vous la connaissez forcément, la musique qui accompagne vos prouesses de joueurs. Est-ce que toi, tu y prêtais toujours une attention particulière aux musiques qui accompagnent les jeux? Ça fait partie de l'ambiance, quand même. J'ai le goût de dire que non, parce que normalement, la musique d'un jeu, c'est fait pour carrément ajouter à l'émotion, ajouter à l'expérience du joueur. C'est très rare que la musique va essayer de te faire sortir de ton immersion. Elle essaie vraiment de te faire garder un sentiment que t'es déjà en train de vivre. Donc, ça accompagne le joueur. Alors que là, ce soir, c'est un peu le contraire. On va aller rechercher l'émotion cause de la musique. Puis, en fait, c'est en voyant le concert la première fois, là, il y a un an, que j'ai pu réaliser comment la musique était extraordinaire dans les jeux. Pour moi, ça a été vraiment... ça m'a ouvert les yeux, là. Oui, on réalise pas toujours. C'est comme voir un bon film, puis pas se rendre compte que la musique participe au suspense, par exemple. Mm-hmm. Ce soir, il y aura aussi des projections pendant que l'orchestre jouera. Exactement. Toutes les pièces sont accompagnées d'un petit vidéo qui a un lien avec le jeu. Il y a même 3 pièces qui vont être interactives avec la salle et la scène. Donc ça aussi, c'est très cool. C'est très, très demandant pour la chef d'orchestre, là, Dina Gilbert, parce qu'elle doit tout adapter l'orchestre, dans le fond, et le chœur à ce qui se passe dans la scène en direct. Donc, elle ne sait pas nécessairement ce qui va arriver. Mm. Et elle doit adapter l'orchestre. C'est vraiment très, très, très, très le fun. Quels sont les jeux qui vont être joués en interactif ce soir? Oui, donc il va y avoir 3 jeux qui vont être joués en interactif. Il y a Shaker Fez. Il y a aussi un jeu qui a été conçu spécialement pour la soirée par Maxime Goulet, là, qui est en fait un gros ballon de plage qui va être mis dans la salle et on doit bouger le ballon ensemble par rapport à ce qui se passe sur l'écran pour pouvoir gagner le jeu. Ooh. Donc ça va être assez là, intéressant. Incroyable, effectivement. On parle quand même d'un immense ballon de 8 pieds de diamètre qui va virevolter un peu partout au Grand Théâtre. Ça promet, effectivement. Pour avoir déjà vu ce genre de concert, c'était malheureusement pas avec l'Orchestre Symphonique de Québec, mais en tout cas, ça procure de grandes émotions. Puis effectivement, d'avoir l'orchestre en plus avec nous, c'est comme si ça en rajoutait une couche de plus. Stéphanie, est-ce qu'il y a une musique que tu préfères ce soir au programme? Oui, je dirais là que c'est sûr qu'il y a des musiques qui sont grandioses et épiques, et c'est toutes des musiques qui ont été faites dans des jeux au Québec, et il y a même des musiques de la ville de Québec, donc ça c'est très très cool, mais je dirais moi que c'est vraiment les musiques qui sont un peu plus tranquilles, un peu plus je dirais doux, parce qu'on dirait que les musiques épiques c'est extraordinaire, ça vient de chercher et tout, mais particulièrement le jeu Fest qui va être joué sur scène là, c'est très très léger, ça utilise vraiment des instruments qui sont un peu plus doux. Toute la scène se fait silencieuse, c'est très tranquille. Ça, pour moi, c'est vraiment, vraiment intéressant. Mais pour en avoir parlé plusieurs fois avec des gens qui ont vu le concert, là, chacune et chacune a une pièce préférée, différente. J'aurais misé sur la épique, moi, justement. Ouais, c'est ça. C'est toujours celle qui nous fait sentir comme un héros ou une héroïne. En tout cas, vous aurez votre préférence à avoir ce soir si vous assistez au concert. C'est dès 20h au Grand Théâtre de Québec. Il reste encore quelques billets pour ce soir. Oui, si vous êtes en bas de 30 ans aussi, si les billets sont beaucoup moins chers, donc 23$ pour vous. 16 ans et moins aussi, il faut y penser à ces jeunes. je peux le dire, le billet est au coût de $15 pour les jeunes là de 16 ans et moins, donc ça vaut la peine. Et je rappelle qu'il y a un autre concert demain soir à 20h pour la symphonie du jeu vidéo. Stéphanie, toi donc tu es l'animatrice de la soirée, tu vas mettre en contexte chaque musique qu'on va entendre. Exact, on va parler des compagnies de jeu et le titre des pièces dans le fond juste avant ou après qu'on les entende, parce que on va essayer d'aller se retrouver là, dans chacune des pièces si vous les avez déjà jouées. Alors, à ne pas manquer ce soir, Stéphanie Harvey, merci beaucoup. Merci. Animatrice de la symphonie du jeu vidéo, et puis je le rappelle, grande championne aussi de Counter-Strike, 5 fois championne du monde quand même, faut le faire. Dans quelques instants, on poursuit l'émission avec les enfants du Machin Club. Vous les entendez tous les dimanches à 19h sur les ondes de CKRL. Leur quartier général est à Montcalm, alors ils ont aussi leur mot à dire ce soir. Et si je n'ai pas d'enfant, alors c'est quoi, alors c'est quoi? Et si je n'ai pas d'amant, alors c'est quoi, alors c'est quoi? Si je suis seule dans la vie, c'est quoi la vie, c'est quoi la vie? Si je perds tous mes amis, alors c'est quoi, alors c'est quoi? Lâche, je sport, fais-toi un port. Ça va, si je fais rien de ma vie, c'est quoi la vie, c'est quoi la vie? Si je meurs et qu'on m'oublie, alors c'est quoi, alors c'est quoi? qui ont pleuré en m'accouchant, comme les enfants de mes enfants qui sont morts-nés en m'accouchant. Quand je suis seule, je suis pas seule, je fais comme s'il était avec moi. Je prends l'oreiller dans mes bras, t'es encore là, t'es encore là. Lâche juste pas, fais-toi en pas. Ça va, ça va. Adrienne Cassidy, ça va, CKRL 89.1. On retrouve, alors vous êtes toujours, je vous précise, parce que c'est pas, on est en dehors du programme habituel quand même, sortie culturelle à l'inauguration de Lumière sur l'art, parcours lumineux, vous le connaissez, ces abat-jours sur l'avenue Cartier, dans le quartier Montcalm. Ce soir, ils sont neuf, ils sont là pour l'édition 2018-2019, donc ils vont traverser toute l'année jusqu'à l'automne prochain. Je rappelle que c'est l'œuvre de Manon de Pau, artiste de Montréal qui a travaillé sur ces abat-jours en quelques mois seulement. On n'a pas eu le temps de le préciser pendant l'entrevue, mais ça a été très très court. Là, c'est moins d'un an de travail pour réaliser ces grandes œuvres sur l'avenue Cartier. Évidemment, on prend le pouls aussi avec des commerces et des organismes du quartier Montcalm, et on ne pouvait pas passer à côté du Machin Club, l'organisme qui initie les enfants aux arts médiatiques. Vous les entendez une fois par semaine sur les ondes de CKRL 89.1, le dimanche à 19h avec l'émission Partout où on va. On a pour commencer sa directrice artistique, Pamela Bisson. Bonjour Pamela. Bonjour. La seule adulte du groupe avec le Machin Club. Oui, ben, la plupart du temps. Oui. Voilà. Et Virgile, qui est notre représentant du Machin Club aujourd'hui. Bonjour Virgile. Bonjour. Virgile, toi, t'as essayé des restaurants de l'avenue Cartier cette semaine, si je comprends bien, ou des commerces. T'as rencontré des commerçants? Ouais. C'était qui? J'ai rencontré la personne qui a parti à la récolte. Ouais. Qu'est-ce que c'est la récolte? C'est un magasin avec juste des produits en vrac. Ouais. Donc ça fonctionne comment? Dans le fond, tu apportes ton plat, mm-hmm. puis tu faut que tu le pèses. Après, tu le remplis avec les choses que tu veux. Ouais. Par exemple. Par exemple, il y a beaucoup de noix. Des noix particulièrement? C'est ce que tu peux choisir? Ouais. Ouais. Et puis après? Après, tu passes à la caisse, puis tu payes, puis tu t'en vas. Et donc l'idée, pourquoi on fait ça? Pourquoi c'est différent d'une épicerie traditionnelle? Qu'est-ce qu'on évite? Si j'ai bien compris, dans le fond, ils veulent pas faire de déchets. Exactement, parce qu'en apportant son plat, ça évite d'acheter un contenant en plastique, par exemple. Oui. Et toi, qu'est-ce que tu as aimé à la récolte? J'ai aimé beaucoup toutes les étals de noix. Je trouvais que c'était impressionnant. Il y avait genre toutes les sortes, là. Toutes les sortes de noix possibles. T'es pas allergique aux noix, toi, ça va? Non. Pamela, ça fait partie de votre exploration du quartier Montcalm avec le Machin Club, c'est d'aller à la rencontre de ces commerçants. La récolte est un nouveau venu en plus. Oui, depuis septembre, on a rencontré Flavie Morin, la propriétaire, et on a découvert cette petite boutique-là qui a deux étages. Qu'est-ce qu'il y avait en haut? Est-ce que ça t'a piqué la curiosité? Oui. Alors, c'était pour fabriquer des huiles, je crois, des savons, du liquide à vaisselle, je crois, et notre pâte à dents. Donc on peut la fabriquer nous-mêmes, c'est ça? Oui, il y a aussi un salon plus loin pour la fabriquer. D'accord. Donc, ça, c'est nouveau. Il y a un espace qui va éventuellement servir à faire des ateliers, justement, de fabrication de cosmétiques, de pâte à dents, de crème ou de tous ces produits de soins, de beauté pour le corps, mais faits avec des ingrédients naturels certifiés. Et c'est ça que moi, j'ai bien aimé de ma visite à la récolte, je dois avouer. J'ai trouvé que c'était un endroit d'abord super accueillant par son design, par son allure minimaliste, puis ça donne envie vraiment de plus acheter trop de produits suremballés. Surtout, effectivement, la récolte, qui, on le rappelle, a ouvert quoi, il y a un an dans Limoilou, sur la 3e avenue, et qui s'installe désormais sur l'avenue Cartier, au 980 avenue Cartier. Et c'est une plus-value, ça, par rapport à Limoilou, de pouvoir fabriquer ses propres produits cosmétiques, parce que nous, on n'a pas ça à Limoilou pour le moment. Oh non, non, je ne suis pas allée encore à la récolte à Limoilou, mais elle nous disait, tu te rappelles ce que Flavie nous disait à propos du besoin de venir s'établir ici dans Montcalm, c'est parce que il y avait beaucoup de demandes, il y avait beaucoup de clients qui allaient à Limoilou et il y en avait certains qui disaient que c'était un peu loin, qui n'avaient pas la chance de venir aussi souvent qu'ils voudraient, qui habitent plus près de Sainte-Foy, des ponts, et donc ils se sont situés ici sur Cartier et ça satisfait, il y a des clients qui rentrent à tout moment. Donc c'est bien reçu ici sur l'avenue Cartier. Et il me semble aussi que tu es allée au restaurant cette semaine, Virgile. Oui, je suis allée au Graffiti. Alors, qu'est-ce qu'on mange au Graffiti? Des repas gastronomiques. Ouais. Puis qu'est-ce que t'as pu goûter, toi? Moi, j'ai mangé, je crois que c'était une côte de bœuf rôtie au sapin avec une sauce au foie gras. Ça a l'air bon, ça? T'avais déjà mangé du sapin? Du quoi? Du sapin. C'était du sapin, tu disais? Sur la côte de bœuf? Quoi? La côte de bœuf, la sauce, c'était quoi? C'était du foie gras. D'accord, juste du foie gras. J'ai cru que tu avais dit du sapin. Oui, il était braisé au sapin. Braisé au sapin. Il y avait un sapin. C'est curieux quand même. Il parle là-dedans. Donc c'était bon, ça t'a plu, Virgile? Oui, vraiment. Est-ce que vous avez parlé avec le chef? Oui, un petit peu. On a fait une petite entrevue après le repas. Qu'est-ce que tu lui as posé comme question? Depuis quand c'était ouvert? C'était quoi qui aimait le plus cuisiner? Et qu'est-ce qu'il t'a répondu? Quand je lui ai dit qu'est-ce qu'il aimait le plus cuisiner, il a dit tout. Elle n'avait pas de préférence? Non. D'accord. Pamela, qu'est-ce qu'on va chercher avec les enfants quand on les aime? Quand on les aime aussi, mais quand on les emmène au restaurant. J'imagine qu'ils sont sans langue de bois. Ils aiment pas. Ils aiment. Ils n'ont pas de filtre, c'est sûr. Il faut pas trop être gêné de gaspiller, parce que c'est sûr, quand on va faire des expériences gastronomiques, ben ils sont pas tous au même niveau d'ouverture face à des aliments nouveaux. Donc, c'est ça. Mais en général, je pense qu'au Graffiti, ils savent nous accueillir et l'expérience, et on se sent comme des rois. Et les garçons, en tout cas 2 sur 3, ont dit que c'était le meilleur repas qu'ils avaient mangé de leur vie. Wow! Et puis là, je vais les aider. En fait, je vais t'aider, Virgile. C'était un filet d'épaule de bœuf rôti au sapin baumier avec une crémeuse de Yukon Gold et sauce au foie gras et oignons caramélisés. Ils nous ont offert le menu de la table du Festival Québec Table Gourmande. Ah oui, ben oui, c'est en... Donc, rien de moins, là, ils n'ont pas offert un menu pour enfants, non. Et la fondue au parmesan, tu t'en rappelles? Oui, il y avait une genre de sauce tomate avec... C'était vraiment bon, là. La fondue en parmesan, on la retrouve un peu partout. Est-ce qu'elle était meilleure de toutes celles que tu n'as jamais mangées aussi, la fondue au parmesan? Oui, elle goûtait beaucoup meilleure que celle que j'ai mangée. Puis il y a le dessert aussi. Le dessert est une expérience en soi. Oui, c'était des crèmes brûlées. Puis c'était trop bon, là. Mais c'était brûlé devant nous. Ah oui, ça c'est mieux quand même. Ça c'est rare quand même qu'on nous donne la chance de voir le sucre frétiller sous la flamme. Ouais. Et en plus, après, ils nous les décoraient avec des biscuits puis des fruits. Donc, est-ce que c'était ta première crème brûlée? T'en avais déjà mangé avant, Virgile? Je crois que j'en avais déjà mangé. Mais c'était pas aussi bon. Non. Mais c'est la deuxième fois que le Machin Club va au graffiti. Vraiment, à chaque fois, ils nous confirment qu'ils sont capables d'accueillir les enfants et d'accueillir les familles. Donc, même si c'est un restaurant qui peut avoir l'apparence d'être adulte ouais. gastronomique et un peu fermé au monde de l'enfance, mais pas du tout, puisque les garçons en sont sortis en disant « Je veux revenir ici pour ma fête, je veux revenir ici à Noël, c'est le meilleur repas que j'ai mangé de ma vie. » Donc, soyez pas gênés d'aller faire un tour au graffiti, ils savent vous accueillir. C'est vrai qu'on n'ose pas toujours. Ben, c'est un test aussi pour les restaurateurs de vous accueillir et surtout de servir un menu qui n'est pas pour les enfants au départ. C'est peut-être le commentaire que vous avez des restaurateurs? Oui, ben, en même temps, eux peuvent tester aussi leur quantité, voir si ça peut fonctionner avec des enfants. Je me rappelle que cet été, on a fait un tour gastronomique dans le Vieux-Québec de la même façon. Alors, eux n'avaient jamais fait ça vraiment avec le public enfant pour voir si c'est ça, les portions sont intéressantes ou s'il y a trop de gaspillage ou si les enfants réagissent aux aliments de façon positive ou trop négative pour leur servir quelque chose. Virgile, est-ce qu'il y a un genre de restaurant, un genre de cuisine que tu aimerais essayer avec le Machin Club? Qu'est-ce que tu aimerais manger avec le Machin Club? Tu parles d'un restaurant ou du... Par exemple, ce que tu veux. Si tu pouvais manger quelque chose là maintenant, ça serait quoi? Je sais pas... Je te laisse le temps d'y réfléchir, sinon je te repose la question dans 5 minutes. Okay, ben. Il y a encore plusieurs restaurants qu'on n'a pas visités sur la rue Cartier. C'est pour ça que j'en parle. Ce qui serait le fun, c'est sur la rue Saint-Jean, là. Ouais. C'est le Boulet. J'étais allée là pour ma fête avec ma grand-mère. C'était vraiment bon. Chez Boulet? Ouais. Effectivement, très bon resto. Encore c'est sûr qu'on pourrait se faire une liste de géants pour les petits goûteurs aussi. Alors, hein? Que des bons restaurants, en tout cas. Mais oui, parce que Virgile réside dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, si je m'en souviens bien. Donc, tu connais bien le quartier aussi. J'habite sur D'Aiguillon. D'accord. Pamela, on le rappelle, ce volet du Machin Club s'appelle les petits goûteurs. Donc, si jamais il y a des restaurants qui nous écoutent et qui veulent faire essayer leur menu aux enfants du Machin Club, vous êtes les cobayes, donc on peut vous inviter. Oui, juste à nous écrire à notre adresse courriel, info@lemachinclub.com. Ça nous fera plaisir de répondre à vos invitations. On a toujours faim. Vous êtes dans le quartier Montcalm, mais évidemment, vous décloisonnez aussi vos frontières. Vous promenez un peu partout. Oui, on commence à la racine. La racine où moi-même j'ai grandi, hein, dans l'avenue Cartier où il y a autant de lieux que de personnalités à rencontrer. Alors, il y a une thématique qu'on explore à chaque mois et on va bientôt commencer le mois de décembre et puis on espère qu'il y aura d'autres commerçants ou restaurateurs qui vont nous ouvrir leurs portes pour nous faire découvrir qu'est-ce qui se passe de spécial durant les fêtes chez eux. Et le Machin Club est très actif sur les réseaux sociaux aussi. Suivez-les particulièrement sur Instagram. Il y a toujours des petites stories réalisées par les enfants. On rappelle que ce sont les enfants qui tiennent le téléphone, qui tiennent la caméra. Là, ils sont à la radio avec nous. Mais c'est vraiment l'idée du Machin Club que les enfants s'initient aux arts médiatiques. Pamela, on va parler avec toi dans quelques instants de cet attachement au quartier Montcalm parce que toi, tu y as grandi. Oui. Et donc, ça sera dans la suite de cette émission Sortie culturelle à l'inauguration de Lumière sur l'art. On en parlera juste après. Aberdeen, voici Star. My brains, and you know it.

Mais oui, ça fait déjà plusieurs années que mes énergies sont orientées vers cette organisation-là, qui est le Machin Club. Et puis, ben moi, j'ai grandi dans le quartier Montcalm, donc c'était tout naturel d'y créer des liens et d'éventuellement trouver un lieu de diffusion comme le cinéma quartier. Moi, j'ai travaillé même au cinéma quartier à l'époque où c'était un club vidéo. Ah oui? C'était une de mes premières jobs étudiantes là, pendant que j'étais au cégep en cinéma. Et alors, c'est un lieu de référence dans mon parcours. C'est un lieu de référence pour la ville de Québec aussi, parce que c'est maintenant un des seuls cinémas du centre-ville. Puis, c'est un cinéma qui a une histoire, qui a accueilli même Hitchcock dans le passé. Alors, on se fait, nous, un honneur, le Machin Club, depuis l'année dernière. On a essayé d'instaurer une tradition, celle d'aller présenter nos productions qui n'ont pas encore été diffusées sur le web. Alors, des courts-métrages, des making-of, un peu ce qui nous est arrivé dans la dernière année, au mois de décembre. Alors, nos prochaines projections, qu'on a appelées les projections ciné-cadeaux, seront le 12 et 13 décembre à 17h. C'est gratuit, vous pouvez venir. Cinéma quartier, oui, c'est ouvert à tous, hein? C'est ouvert à tous, mais il y aura un système là, éventuellement mis en ligne pour réserver votre place. Parce que c'est ouvert à tous, mais si le mot se passe, il n'y a pas de place pour tous. Capacité limitée. On va pouvoir apprécier les courts-métrages du Machin Club, parce que là, aujourd'hui, on fait de la radio, mais vous tournez aussi beaucoup de vidéos. Alors, soit pour des petites capsules, on parlait des commerces que vous aviez rencontrés dans Montcalm, mais il y a aussi la section courts-métrages. Donc, c'est l'occasion pour les enfants de se voir sur grand écran aussi. Oui, donc on a commencé le projet Montcalm plus jeune, c'était d'initier les jeunes à la vie de quartier, au patrimoine, à tout ce qui se passe au niveau de la vie commerciale de l'artère principale. Alors, on a d'abord fait des enquêtes la première année pour faire un documentaire, un court-métrage documentaire qui est disponible maintenant sur notre chaîne YouTube. Et de ça est née plusieurs inspirations parce que le quartier est magnifique, il y a beaucoup de verdure, il y a des bâtiments intéressants par leur histoire, leur architecture. Donc, on s'est mis à imaginer des courts-métrages de fiction qu'on allait pouvoir tourner dans notre environnement. On a commencé à les tourner l'année dernière et on les a presque tous complétés. On est en cours de faire ça pour les présenter justement à notre projection du 12-13 décembre. Alors, il y a un de ces courts-métrages-là qui se passe plus à l'Halloween, qui est inspiré d'un bâtiment du quartier sur l'avenue Brande qui s'appelle la Villa sans bruit. Et on s'est juste inspiré du nom du bâtiment pour s'imaginer une histoire parce qu'on trouvait ça très inspirant comme nom de maison, la Villa sans bruit à côté d'une école où il y a beaucoup de bruit. Et puis, alors, il y a deux autres courts-métrages là, comme ça inspirés du quartier qu'on va vous présenter au cinéma quartier le 12-13 décembre. Virgile m'a dit hors d'onde qu'il était intéressé par la radio, que c'était l'une des raisons pour lesquelles il avait rejoint le Machin Club. Donc ça tombe bien, il est au bon endroit. Virgile, est-ce que tu aimerais faire un court-métrage un jour? Oui. Tourner avec la caméra, tu te verrais plus devant la caméra comme acteur ou plus réalisateur derrière la caméra? Plus derrière la caméra. Pourquoi? Parce que j'aime ça faire du théâtre. C'est ce que j'ai cru entendre. Oui, puis j'aime aussi ça, genre, d'écrire des places. Mm-hmm. Comme quand on est allé au salon des jeux et des jouets, à la fin, j'ai parlé un petit peu de ce qu'on a fait là-bas. Ouais. Donc t'aimes bien raconter des histoires. Ouais. D'accord. Pamela, excuse-moi, c'est un lapsus. Pamela, justement, au Machin Club, il y a de la place autant pour les enfants, c'est pour ça que je posais la question à Virgile, autant pour les enfants qui veulent être derrière la caméra, qui veulent tourner les images, diriger les acteurs, que ceux qui aiment être devant. Il y a de la place pour tout le monde. Oui, il y a de la place pour les deux, effectivement. Ça dépend des projets et de l'équipement et de la mission qu'on a. Donc, nous, c'est des missions qu'on se donne. Alors, au mois de novembre, par exemple, on était dans une mission en lien avec les droits des enfants. Mais pendant tout l'automne, on a des missions en lien avec le quartier Montcalm parce que on fait ce gros projet qui s'appelle Montcalm plus jeune. Mais si vous écoutez notre émission le dimanche à 19h, vous allez pouvoir nous entendre parler de l'ensemble de nos activités. Mais le tout enrobé d'une thématique mensuelle. Et pour novembre, c'est ça, les droits des enfants. Puis en décembre, ben on s'en va, comme je vous le disais, plutôt dans le temps des fêtes. Et puis on va pouvoir vous présenter aussi ce qui se passe sur la rue Cartier pendant le temps des fêtes. Donc on est bien heureux d'avoir accès au studio de CKRL le dimanche soir pour vous livrer toutes nos aventures de la semaine et puis donner à l'occasion à Virgile et à tous nos autres membres de prendre le micro pour raconter ce qui leur est arrivé, leurs aventures. Et nous, on est très contents d'avoir la voix des enfants ici à CKRL. On rappelle que d'ailleurs, le mois de novembre, c'est le mois des journées des droits de l'enfant. Et le Machin Club a parrainé CKRL pour être membre porteur des droits de l'enfant. Et on en est ravis. Pamela, aussi un autre projet qui vous a rattaché au quartier Montcalm, on les a reçus aujourd'hui aussi, c'est l'Orchestre symphonique de Québec. Oui. Alors, avec l'Orchestre symphonique, on a mené un projet qui s'appelle Apprenti Maestro l'année dernière et qui va reprendre après Noël, probablement. Vous pourrez suivre ça sur notre page Facebook ou sur notre site internet, lemachinclub.com. Alors, on s'inspire, nous, des concerts famille ou des concerts grand public pour s'imaginer un court-métrage et on le produit avant le concert. Ensuite, on assiste au concert puis on rencontre les artistes. On a la chance de les interroger sur tout le travail de la conception du spectacle. Et tout ça est livré après coup en making-of. Donc, si vous venez à notre projection, je vous ramène toujours à ça parce qu'on veut que vous soyez là. Alors, le 12-13 décembre, on va vous présenter le court-métrage documentaire Apprenti Maestro qu'on a fait au printemps dernier, puis probablement le making-of de toute cette expérience-là et pour vous annoncer le suivant après Noël. Ça promet. Toujours plein de projets au Machin Club. Je vous invite à visiter le site internet www.lemachinclub.com. Ils sont actifs partout, je l'ai dit, sur Instagram, sur Facebook, sur leur chaîne YouTube, surtout si vous voulez voir les vidéos aussi. Le Machin Club. Sur Instagram, on a Mon Cam Plus Jeune. Alors, oui. C'est la plateforme où on partage spécifiquement ce qui nous arrive ici dans le quartier des Arts. Intéressant. Et vous aviez même participé à une compétition mettant en valeur l'avenue Cartier, et du moins le quartier Montcalm, sur Instagram spécifiquement, le Social Derby. Oui, qui était organisé par Québec Numérique en 2016. Alors, on s'était déployé de toutes nos stratégies de contenu possible pour vous faire rayonner le quartier des Arts sur la plateforme. Puis, on avait réussi à bâtir une petite communauté comme ça. Et puis, les abonnés n'ont pas quitté cette plateforme. Ils sont toujours là. Vous pouvez rejoindre pour voir ce qui se passe au quotidien. Sinon, nous, bientôt, on va faire des beignes au Loiseau Montcalm parce que ça va compléter un de nos troisième court-métrage qu'on va vous présenter au cinéma Cartier. On va s'interroger sur l'histoire de l'avenue Cartier, sur les traditions du temps des fêtes et tout ça là, dans un esprit de partage avec les membres du club social des Loiseaux Montcalm. C'est pas fini donc, il y a encore plein d'activités. Virgile, merci beaucoup d'être venu au micro de CKRL. On te retrouve dimanche prochain. Est-ce que tu vas être à l'émission Partout où on va? Oui. Il sera là pour vous reparler une fois de plus de sa visite au graffiti et à la récolte. Oh, ça promet. Ça va être encore gourmand. Pamela Bisson, merci beaucoup. Merci pour l'invitation et j'ai bien hâte de voir ces lampadaires allumés. Bon, on peut vous suivre, je pense, pour savoir ce qui se passe aussi ce soir sur les réseaux sociaux. Pamela Bisson, directrice artistique et fondatrice du Machin Club. On continue en musique avec Corias chez nous, juste avant de retrouver Kim Colonna, copropriétaire de Petit Creux et Grand Creux et aussi président du conseil d'administration de la SDC Montcalm. Loin de chez nous, des mille à la ronde. Sans toi je me sens all alone, même si autour c'est noir de monde, baby. Loin de chez nous, je trouve pas ma maison. Je voudrais ta main dans ma paume au lieu de regarder mon phone, you know. J'attends tes news, texto sans réponse. Mais t'es au pays des songes, en train de rêver qu'on s'allonge, baby. Loin de chez nous, je me sens all alone, baby. I'm coming back home, demain je reviens à maison chez nous. Yeah. ciel, les étoiles brillent en même temps que le soleil plombe. Dans mes pensées, y'a deux filles qui portent nos gènes et portent nos noms. Selfie toi qui se déshabille, j'en chéris, ah ouais, à maison. J'te dis, baby, t'es ma queen, puis j'ai rien d'un Damien Stone. C'est comme moi que le monde est free, c'est comme moi que le monde est stone. À part l'amour, la famille, y'a pas grand chose d'autre qui compte. Sous mes mains, des choses se brillent, j'essaye de right et toutes les wrongs. Failli se noyer sous la pluie, mais l'eau est passée sous des ponts. Souvent, mes genoux deviennent weak, souvent, j'suis pas assez strong. J'ai une épaule où est-ce que j'm'appuie, même les jours où j'bois du monde. Dans tous les family trees, y'a une coupe de feuilles mortes qui tombent. Nous, on a planté des seeds, capables de pousser à l'ombre. J'aime voyager dans mon lit, sur ta peau, j'fais le tour du monde. Mais j'aime pas errer dans les streets, quand je reconnais pas les noms. Y'a pas de GPS pour la vie, les chemins que j'prends des fois sont wrong. Mais le meilleur que j'ai pris me mène direct à ma blonde, you know. Pointe chez nous, 2000 à la ronde. Sans toi, j'me sens all alone, même si autour c'est noir de monde, baby. Pointe chez nous, j'trouve pas ma maison. J'voudrais ta main dans ma paume au lieu de regarder mon phone, you know. J'attends tes news, texto sans réponse. Mais t'es au pays des songes, en train de rêver qu'on s'allonge, baby. Pointe chez nous, j'me sens all alone, baby. I'm coming back home, demain je reviens à maison chez nous. C'est la même chose à tous les mois de mars. Y'a la neige qui tombe sur le nord de la map. Same old, j'ai des plain clothes sous le raincoat. Puis j'porte du black, mais j'en ai plein d'eau de tous les hangovers. Puis de claim le syndrome de l'homme en cash. On the road, mais j'dors mal. Sors tes mains chaudes sur mon corps de glace. Texto le matin tôt, j'rentre bientôt. Puis j'veux te voir la fâche, j't'aime ben trop. J't'embrasse, t'es comme un rainbow dans un soir d'orage. J'me lève à l'eau, puis le ciel est rose. Mets les choses dans le duffel bag. Bouquet de roses dans le coffre du Vox. Mon corps implose, my love is back. Le soleil chaud, puis dans mes brainstorms. Y'a nos pieds dans l'eau sur le bord d'une plage. Let's stay close. Nous les autres, les gens sont faux comme des hologrammes. On est weak alone, mais on est fort en gang. Let's make a home, un port d'attache. On fait des faux pas, but they don't know. On admet les faux, puis on tourne la page. T'es mon safe space, loin des loups. Tu me gardes sane quand je deviens fou. T'as les jambes qui shake, moi je te tiens debout. T'as besoin de moi, puis j'ai besoin de nous. Faut célébrer, so let's make a date. Le ciel est gray, puis le vin est rouge. T'es on my brain, j't'aime baby. Shake demain, c'est loin, mais je reviens chez nous. Pointe chez nous, 2000 à la ronde. Sans toi, je me sens all alone. Même si autour c'est noir de monde, baby. Pointe chez nous, j'trouve pas ma maison. J'voudrais ta main dans ma paume au lieu de regarder mon phone, you know. J'attends tes news, texto sans réponse. Mais t'es au pays des songes, en train de rêver qu'on s'allonge, baby. Pointe chez nous, j'me sens all alone, baby. I'm coming back home, demain j'en viens à maison chez nous. Corias Chenou à CKRL 89.1, extrait de son dernier album La Nuit des Longs Couteaux. Vous êtes dans Sortie Culturelle à l'inauguration de Lumière sur l'Art sur l'avenue Cartier. Dans quelques... c'est dans une heure à peu près. Les abat-jours de l'avenue Cartier vont s'illuminer. Je vous rappelle, c'est une toute nouvelle installation de l'artiste Manon Depao qu'on a reçue plutôt dans cette émission pour qu'elle nous explique son travail. Vous les avez peut-être déjà observés de jour en vous provenant dans le quartier Montcalm, mais ce soir c'est la première fois qu'ils s'illumineront sur l'avenue Cartier, donc un beau spectacle sans aucun doute à apprécier. Mais on continue dans cette émission à faire connaissance, à retrouver des commerces du quartier, voir comment ce quartier des arts se transforme au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de Lumière sur l'Art qui évolue. On reçoit pour ce prochain segment Kim Colonna, copropriétaire de Petit Creux, que vous avez peut-être connu avant comme Petit Creux et Grand Creux, mais maintenant raccourci à Petit Creux. Il est également président du conseil d'administration de la SDC Montcalm. Bonjour Kim. Bonjour. Restaurant de spécialité corse sur l'avenue Cartier, installé depuis combien d'années maintenant ? Cinquième année. cinquième année. Et grosse année de changement, parce que tu me disais que là, ça fait 5 semaines que le restaurant est fermé pour des rénovations. Vous allez rouvrir pile à temps pour les parties de Noël. Ouais, pour souligner le cinquième anniversaire, c'est le but de justement ramener la Corse au premier plan et nous définir comme une destination gastronomique, en effet. Est-ce que vous êtes le seul restaurant corse au Québec? À ma connaissance. Ouais. C'est quand même assez unique, ça. Quand même marqué, tout à fait. Ouais. Et pour y avoir déjà fait un tour plus d'une fois, c'est un délice à chaque fois. Donc, j'ai bien hâte de voir votre nouveau décor. Kim, merci. Être sur l'avenue Cartier, qu'est-ce que ça représentait pour vous? Parce que j'imagine, au moment d'ouvrir son restaurant, on étudie plein de possibilités pour différents quartiers. Ou est-ce que pour vous, c'était clair, c'était le quartier Montcalm? Depuis qu'on est installé à Québec, c'est effectivement notre quartier de vie, notre choix de vie. Et on habite dans le quartier, on vit dans le quartier, on travaille dans le quartier et on vit avec le quartier. Donc quand l'année dernière, justement, l'opportunité de rentrer sur le conseil d'administration s'est présentée, j'ai complètement embarqué pour être plus impliqué aussi dans le développement économique de notre secteur. Et cette année, ben, on a fait un pas en avant avec la présidence. Donc, oui. Ouais, quelque chose d'assez nouveau, avec plein de choses auxquelles je ne suis pas très habitué ou familier, mais on va apprendre. Au fur et à mesure. Ouais. Vous baignez dans ce quartier des arts, on en a parlé tout au long de l'émission. Le Musée national des beaux-arts du Québec est un grand partenaire de ce parcours Lumière sur l'art, le Grand Théâtre, Théâtre Périscope, Premier Acte, enfin bref, tout l'art baigne ici dans le quartier Montcalm. Est-ce que ça joue sur l'ambiance que vous créez aussi au restaurant? Ben, oui, parce que de ce fait, on travaille beaucoup justement avec la clientèle qui participe justement à toutes ces activités, qui va au théâtre, qui va voir les concerts, qui veut l'OSQ. On a des membres de l'OSQ qui viennent au restaurant, puis pas que chez nous, qui vont dans tous les restaurants, probablement même, j'en suis certain, de l'avenue. Le fait de nous d'être aussi membres au théâtre, au Trident, de pouvoir aller voir des pièces. Donc oui, effectivement, on est partie intégrante et je pense que c'est une implication bilatérale. C'est-à-dire, les commerçants sont impliqués dans le secteur et toutes les activités et les attraits font partie intégrante de la vie du quartier également. Et c'est vrai, tu fais bien de le souligner, toute cette clientèle qui, avant les concerts, avant les pièces, viennent manger chez vous ou viennent faire l'après aussi, chez vous aussi. C'est quand même une clientèle importante et qui aime les arts aussi. Ouais. Toi, tu as été témoin de la présentation de Manon Depao quand elle est arrivée avec la maquette pour l'édition 2018-2019 de Lumière sur l'art. Ouais. Comment ça se passe dans un conseil d'administration quand une artiste comme ça présente son projet? Elle a son idée assez claire, puis vous êtes en découverte. Ben, nous, on est ouvert. En fait, c'est comme un comité de sélection. Nous, on discute avec Annie Gauthier du Musée national justement des Beaux-Arts qui est sur le conseil d'administration aussi. Et elle nous soumet, c'est elle qui est en charge justement de soumettre des artistes. Nous, on émet des choix ou des idées qu'on voudrait avoir ou qu'on voudrait voir évoluer peut-être sur les abat-jours. Après, c'est selon aussi la réalisation, la possibilité de réaliser après les œuvres, parce que c'est quand même un gros travail et pas toutes les œuvres ne s'y prêtent pas. Et puis, on vient à restreindre, justement, c'est un entonnoir, donc on vient, puis après ça, le choix nous s'est arrêté sur Manon Depao, parce qu'on trouvait que le travail qu'elle faisait au niveau de la lumière, justement, pouvait être quelque chose qui pouvait s'appliquer vraiment superbement bien, puis c'était déjà préparé avec des maquettes en arrivant, donc avec déjà un matériel en main qui nous a beaucoup aidé. Ça fait la différence, c'est sûr. Tout à fait. Et là, toi, depuis que tu travailles, depuis la semaine dernière, là, les abat-jours sont installés sur l'avenue Cartier, ils n'ont jamais encore été allumés de nuit, mais tu les as observés de jour. Quelles sont tes premières impressions? Attendez de les voir de nuit. Ah oui? Ah ouais. C'est déjà ce que tu as à nous dire. C'est vrai. Mais maintenant, Depao, l'artiste nous expliquait que la nuit, on va voir des détails, par exemple, qui n'apparaissent pas le jour sur les abat-jours. C'est parce que tu l'as pas remarqué. Nous, on les a vus, c'est ça. Parce que nous, on les a vus quand même, c'était deux jours. On les a pas vus finis. C'est des petites maquettes sur papier. C'est difficile de se faire une idée vraiment de l'œuvre finale. On doit faire confiance aussi à l'artiste. C'est le principe aussi d'utiliser une artiste qui est actuelle et, on va dire, vivante. Puisque jusqu'à présent, c'est plus ou moins, je pense, de mémoire, pas tous, mais on était sur des artistes qui étaient des artistes décédés ou passés. Donc on vient sur des œuvres qui n'ont pas pu évoluer. En fait, on a dû les adapter vraiment. Dans ce cas-là, on est vraiment sur quelque chose qui est vraiment superbe. Je pense qu'il va avoir un très bel éclat. c'est certain. Et puis avec le temps des fêtes, c'est en parfaite correspondance aussi pour les apprécier. Donc, et justement, Kim, j'ai envie d'avoir ton impression. Le temps des fêtes, là, on sent que ça va ajouter de la magie avec cette œuvre d'art sur l'avenue Cartier. Comment tu définirais l'ambiance de l'avenue Cartier au temps des fêtes pour les gens qui n'y sont encore jamais venus ou qui ne s'y promènent pas assez? Écoutez, je dirais, la neige est déjà là. C'est déjà un bon départ pour célébrer les fêtes. Par la suite, ce qui va définir les fêtes, je dirais, il y a énormément d'activités. Bien sûr, les abat-jours font partie intégrante parce que, on va dire que touristiquement parlant, ce sont des œuvres qui font le tour du monde à chaque fois. Et à chaque fois, pour nous, pour avoir vu sur la rue, on voit énormément de monde qui viennent à toute heure du jour et de la nuit pour prendre des photos. Quand il neige, quand il fait beau, quand il pleut, dessus, c'est vraiment assez exceptionnel. Et puis à côté de ça, il y a plein d'activités qui vont être justement qui vont être attachées aux fêtes, au niveau de la place Garneau, au niveau de pas mal d'autres des théâtres ambulants aussi qui vont avoir lieu. Donc vraiment, venez vous balader les fins de semaine surtout pendant le temps des fêtes. Vous allez redécouvrir Cartier. Et pour Petit Creux, donc, qui va rouvrir le 27 novembre, c'est ça? 27 novembre, on va être prêt, oui, effectivement. Est-ce que vous avez déjà les réservations pour le temps des fêtes, là, tout ce qui est party de bureau, party de Noël? Ça commence tranquillement. On va juste d'abord rouvrir. Et puis après ça, on va prendre le temps de voir les choses une après l'autre. Tu disais que tu avais l'impression d'être plus occupé pendant les travaux que pendant que le restaurant est ouvert, tellement c'est fou. Épuisant les rénos. Mais 5 semaines pour transformer un restaurant, c'est pas un peu trop court? Ouais, oui, c'est très très court. On aurait pu en apprendre 8, on aurait pu 8. Mais vous êtes obligé de rouvrir pour cette période-ci. Oh oui, des impératifs financiers liés à tout ça aussi. Donc, c'est vraiment le plus gros moment de l'année pour les restaurateurs. En plus, on arrive dans la période des fêtes, donc on se devait d'être rouvert. Puis nos clients nous croisent tous les jours et nous demandent, bon, c'est quand qu'on vient manger? Ils sont plus impatients que vous. C'est normal. Probablement. Qu'est-ce qu'on mange, chez Petit Creux pendant le temps des fêtes, la cuisine corse? Même moi, française de la métropole, je connais pas très bien. Alors, j'ai connu en venant chez Petit Creux, mais avant ça, en habitant dans ma région parisienne, je connaissais très peu la cuisine corse. Alors, qu'est-ce qu'on mange au temps des fêtes en Corse? Ben, traditionnellement, pour les fêtes, ça va être, on va partir sur le cabri, en fait, qui est le petit de la chèvre, donc le chevreau ici. On va partir sur le figadet. La poulaine, là, le figadé est une saucisse de foie d'abat qu'on fait nous-mêmes, qu'on fabrique au restaurant, qui est servie grillée. Ensuite, vous avez la poulaine, là, qui est de la farine de châtaigne. Donc ça, ce sont les plats typiques d'hiver et particulièrement des fêtes. Donc c'est tout ça, que, entre autres, qu'on va retrouver sur le menu. Est-ce qu'on va retrouver le broche, et on retrouvera l'incontournable broche fait maison. Et le fromage corse. Alors ça, c'est ma grande découverte aussi. Délicieux. Et un alcool que j'ai beaucoup aimé aussi. La liqueur de myrte? Non, c'était pas celle-là. Le cédra, voilà, qui est un délice. Ah oui. Alors, que des noms que vous ne connaissez pas, c'est pour ça qu'il faut aller découvrir. Kim Colonna, merci beaucoup. Merci à toi. On rappelle l'ouverture de Petit Creux le 27 novembre. Si vous voulez déjà réserver votre party de Noël, je pense qu'on peut quand même appeler au restaurant. Vous pouvez, on va répondre quand le téléphone est branché. 1125 Avenue Cartier, sinon si vous voulez patienter jusqu'au 27 novembre. Kim Colonna également, copropriétaire de Petit Creux et également président du CA. De la SDC Montcalm. Merci beaucoup, Kim, d'être merci passé. Merci à toi. Et puis, on vous attend tous sur la rue d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure, pour l'inauguration de Lumière sur l'art. Exact. Et l'émission n'est pas terminée. On va conclure très bientôt avec Jean-Pierre Bédard, directeur général de la SDC Montcalm. Ça sera juste après Jordan Labrie. Voici Regardez devant. Sur le bord de la mer, mais on m'a dit que c'était pas assez. On a roulé jusqu'au sommet des montagnes. Je pensais pas me tromper. Si l'amitié et l'amour se mélangent, j'avoue m'être égaré, m'être égaré. Qu'on enterre mon père, c'est là qu'il faudrait récolter.

ce soir et cette nuit, ça sera un ciel partiellement nuageux, du vent avec des rafales à 40 km/h devenant léger ce soir. Et on parle quand même d'un minimum de moins 18 degrés pour la nuit. Demain, ça sera une journée généralement ensoleillée. Oui, le soleil sera donc de retour avec du vent et des rafales à 40 km/h le matin. Un maximum de moins 9 degrés. Et les températures seront à la hausse pour la fin de semaine. Moins 4 degrés annoncés pour ce samedi avec un grand soleil. Et la neige de retour dimanche, mais avec des températures positives. Oui, ça va encore arriver. Plus 1 degré pour dimanche. Présentement, c'est généralement nuageux. Moins 12 degrés à Québec. Sortie culturelle. Sortie culturelle à l'inauguration de Lumière sur l'art, un projet rendu possible grâce au Musée national des beaux-arts du Québec, à la Commission de la capitale nationale, l'Office du tourisme de Québec et la Ville de Québec. Sortie culturelle à l'inauguration de Lumière sur l'art. Ce sont les dernières minutes ensemble avant d'apprécier ces abat-jours qui vont s'illuminer sur l'avenue Cartier. Ça sera à compter de 18h. Nous, on est toujours là au Taizone, au chaud, au 19 avenue Cartier, si vous voulez nous faire un dernier coucou avant d'apprécier ces œuvres d'art. On termine l'émission avec Jean-Pierre Bédard, directeur général de la SDC Montcalm, qui a pu écouter aussi quelques témoignages au travers de cette émission, notamment Virgile, enfant, qui nous a donné son point de vue sur le quartier. Jean-Pierre, toi, à travers les témoignages que tu as entendus, j'imagine ça te rend très, très fier du quartier Montcalm. C'était quand même très positif. Oui, oui, bien, on est très fiers de notre quartier. Puis je pense que c'est bien parce que le sentiment d'appartenance, tu sais, autant des commerçants, des institutions, de la population, il y a une appropriation aussi de cette signature de quartier des arts. Et ça, moi, pour moi, c'est vraiment très gratifiant parce que ça veut dire que ce qu'on fait, ce qu'on a initié, bien, il y a une appropriation puis il y a une fierté des gens à participer à ce projet collectif-là qui est le quartier des arts. Et on le rappelle, ce soir, c'est l'œuvre de Manon Depau, artiste québécoise, originaire de Montréal, qui a travaillé pendant plusieurs mois sur ces abat-jours. Elle nous disait en entrevue plus tôt dans l'émission, c'est la première fois qu'elle les voit, ces photographies-là sur lesquelles elle a travaillé sur les abat-jours en grandeur réelle. Donc ça a été un test pour tout le monde jusqu'à la réalisation, jusqu'à la concrétisation ce soir. Et Jean-Pierre, ça va être festif malgré la température. Oui, oui, absolument. Pour les gens qui se déplaceront là, pour voir cette illumination, ben on leur a quand même proposer quelques petites récompenses. En plus, évidemment, de voir cette illumination, ben on a fait affaire avec un commerçant du coin qui est Frida Comptoir Mexicain et le bar Jules et Jim, qui vont nous aider donc à rendre le lieu festif avec des petites bouchées mexicaines, évidemment, qui vont être probablement bien assaisonnées pour nous garder au chaud. Et puis, on va pouvoir aussi déguster la bière qu'on fait pour le quartier Montcalm. Donc, depuis, on est rendu à notre troisième brassin de la bière quartier Montcalm. On en a fait une première il y a de ça un an. Ensuite, cet été, on avait une IPA. Et dernièrement, on vient de brasser une blanche aux saveurs de pommes. Donc, une bière automnale qu'on voulait pour la période. Mais même si on est rendu à l'hiver, mais... Toujours l'automne mais officiellement, voilà. Exactement, normalement. Exactement, c'est ça. Donc, bière automnale. Donc, on pourra déguster une bière qui est disponible, évidemment, aussi dans les commerçants du coin. Donc, entre autres, au métro, au IGA. Et certains bars et restaurants du secteur. Donc, le Grégoff, le Jules et Jim et la Piazzetta offrent aussi cette bière en dégustation. Et on vous le rappelle, c'est une collaboration avec Brasseur sur demande. Oui, absolument, qui est un petit brasseur du quartier Le Moineau, donc qui permet justement de faire cette bière-là sur demande, des petits brassins de 250 litres qui permet donc d'avoir une bière personnalisée selon les besoins de la personne qui passe la commande. Donc autant les grands événements, même monsieur et madame tout le monde, là, on me disait même pour un mariage, vous pourriez faire brasser votre propre bière, c'est vraiment la mission de Brasseur sur demande. Jean-Pierre, qu'est-ce qu'on veut marquer ce soir avec l'illumination de Lumière sur l'art? Ben, en fait, en faisant cette inauguration, on permet d'officialiser donc cet événement-là, permettre aussi à nos partenaires depuis le début de ce projet, donc la Ville de Québec, évidemment, l'Office du tourisme, la Commission de la capitale nationale, le Musée national des beaux-arts, de pouvoir aussi être fiers et partager avec nous aussi cette fierté par une petite allocution qui leur permettra de signifier leur intérêt pour ce projet majeur qui en est rendu donc à sa 4e édition. Et on rappelle que c'est la première fois cette année qu'une artiste contemporaine, une artiste d'aujourd'hui, met sa création au service de l'avenue Cartier avec ses abat-jours que vous allez apprécier autant de jour comme de nuit. Là, on est à l'automne, mais vous allez les voir l'été aussi. Ça prend toute une autre dimension à travers les saisons. Oui, hein. Exactement. Puis moi, je pense que en fait, la période hivernale, c'est la période où ils sont à leur meilleur, parce qu'il y a toute la luminosité de la neige, il y a l'absence de feuilles aussi dans les arbres, qui fait en sorte qu'ils sont vraiment à leur plénitude au niveau du moment de ce qu'on peut apprécier, évidemment, puis ils sont allumés plus longtemps, parce que l'hiver, ben il fait noir plus longtemps, donc on a plus de chances de pouvoir apprécier toute la luminosité avec la réverbération de l'éclairage. Le temps des fêtes aussi, avec les commerces qui mettent leurs décorations de Noël à l'extérieur, ça contribue absolument, encore? Absolument, tout à fait. Puis on va être vraiment très festif tout le mois de décembre, comme le disait Kim Colonna tout à l'heure. On a préparé une programmation pour tous les goûts, particulièrement axée sur le chant choral de Noël. Alors, ça sera vraiment notre particularité pour la période des fêtes. On a entre autres le chœur de l'OSQ, on a le quatuor Barocco Negro, on a le quatuor Yule. Bref, on a plusieurs chorales qui viendront s'exprimer durant tout le mois de décembre, particulièrement à la place Richard Garneau. Donc, ça sera des éléments festifs de supplémentaires qu'on aura. Sur les fins de semaine? Voilà. Et ça va être un beau rendez-vous, encore une fois, pour venir en famille. Jean-Pierre Bédard, directeur général de la SDC Montcalm, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Je vous souhaite une belle inauguration. Merci à vous de nous avoir permis d'offrir cette émission spéciale pour inaugurer. On était bien contents de mettre en lumière le quartier Montcalm ce soir, plus largement aussi. J'aimerais remercier tous ceux qui ont travaillé avec moi à l'émission aujourd'hui. Simon Roy à la technique, Mike Iji à la mise en onde, tous nos invités également. Évidemment, vous retrouvez la programmation régulière de CKRL dans quelques instants avec toute l'équipe de Futur Simple, votre magazine scientifique. Mon nom est Jessica Leb. Je vous retrouve pas demain. Demain, c'est Mélanie Florent qui prendra le contrôle de Première Loge exceptionnellement. Et puis, je vous souhaite une belle soirée sur les ondes de CKRL. Venez nous rejoindre sur l'avenue Cartier. Ça va être beau, c'est promis. On se quitte avec Pascal Picard. Voici La Tempête. J'en veux au ciel qui tombe sur ma tête. Aux vagues qui valsent sans toi. À l'orage qui passe, quand la rage casse tout en moi. J'en veux pas des années qu'il me reste. À quoi bon si c'est sans toi? D'un avenir, de nouveaux souvenirs, j'en veux pas. Quand finalement la nuit tombe, je sais qu'une autre se lèvera. Seul à la fin du monde, en espérant que fonde la peine, se calme la tempête sous mon toit. À la j'attends que tu ne reviennes pas. À chaque lumière du jour, je reprends mon combat. Sortie culturelle. À l'inauguration de Lumière sur l'art, un projet rendu possible grâce au Musée national des beaux-arts du Québec, à la Commission de la capitale nationale, l'Office du tourisme de Québec et la Ville de Québec. Plus d'infos, visitez quartierartquebec.com.